Toujours bien accordé. Je viens de le servir, je suis sur le périph' OD. Ce commis vient m'aborder. Tu connais lui, lui, lui, ok. Gros BDH. Je sais que tu sais. J'achète une carlage. Je n'ai pas de grand le vide, j'en promets. Je ne marche plus, j'accélère. Il est fidèle, il peut promet. Tu brilles mais t'es porteur, ouais, ouais. Maintenant on peut y aller, port qui me colle. Je roule dans la vie, je passe à Carla Paul. T'es même pas bonne, te demander des lots, gros, se folle. Mais le thé, t'es fait très, tu gardes sur plein de choses. La daronne, le bénéf, ta femme et ton marmot. Ce soir, je suis pas bien sûr, moi j'ai mon feu. Un million d'ennemis, je suis refait. Ce soir, je suis pas bien, j'ai mon feu. Un million d'ennemis, je suis refait. Ce soir, je suis pas bien, j'ai mon feu. Y'a de l'amour, la la la la. Tu connais le but.